Section 25 De Mémoire d'outre-tombe, tome 1, par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 8. Suite. Dans les histoires de la Révolution, on a oublié de placer le tableau de la France extérieure auprès du tableau de la France intérieure. De peindre cette grande colonie d'exilés, variant son industrie et ses peines de la diversité des climats et de la différence des mœurs des peuples. En dehors de la France, tous opérant par individus, métamorphoses d'État, afflictions obscures, sacrifices sans bruit, sans récompense, et dans cette variété d'individus de tout rang, de tout âge, de tout sexe, une idée fixe, conservée, la vieille France voyageuse, avec ses préjugés et ses fidèles, comme autrefois l'Église de Dieu errante sur la terre avec ses vertus et ses martyrs. En dedans de la France, tous opérant par masse, Barrère annonçant des meurtres et des conquêtes, des guerres civiles et des guerres étrangères, les combats gigantesques de la Vendée et des bords du Rhin, les trônes croulant au bruit de la marche de nos armées, nos flottes abîmées dans les flots, le peuple déterrant les monarques à Saint-Denis et jetant la poussière des rois morts au visage des rois vivants pour les aveugler. La nouvelle France, glorieuse de ses nouvelles libertés, fière même de ses crimes, stable sur son propre sol, tout en reculant ses frontières, doublement armée du glaive du bourreau et de l'épée du soldat. Au milieu de mes chagrins de famille, quelques lettres de mon ami Hingant vinrent me rassurer sur son sort, lettres d'ailleurs fort remarquables. Il m'écrivait au mois de septembre 1795 « Votre lettre du 23 août est pleine de la sensibilité la plus touchante. Je l'ai montrée à quelques personnes qui avaient les yeux mouillés en la lisant. J'ai été presque tenté de leur dire ce que Diderot disait le jour que Jean-Jacques Rousseau vint pleurer dans sa prison, à Vincennes. « Voyez comme mes amis m'aiment. Ma maladie n'a été au vrai qu'une de ces fièvres de nerfs qui font beaucoup souffrir et dont le temps et la patience sont les meilleurs remèdes. Je lisais pendant cette fièvre des extraits du Phédon et du Timée. Ces livres-là donnent appétit de mourir. Et je disais comme Caton, « It must be so, Plato, thou reasonest well. » Je me faisais une idée de mon voyage. Comment se ferait une idée d'un voyage aux Grandes Indes ? Je me représentais que je verrais beaucoup d'objets nouveaux dans le monde des esprits, comme l'appelle Swedenborg, et surtout que je serais exempt des fatigues et des dangers du voyage. À 4 lieues de Beccles, dans une petite ville appelée Bungay, demeurait un ministre anglais, le révérend M. Hives, grand helléniste et grand mathématicien. Il avait une femme, jeune encore, charmante de figure, d'esprit et de manière, et une fille unique, âgée de 15 ans. Présentée dans cette maison, j'y fus mieux reçue que partout ailleurs. On buvait à la manière des anciens Anglais, et on restait 2 heures à table après les femmes. M. Hives, qui avait vu l'Amérique, aimait à conter ses voyages, à entendre le récit des miens, à parler de Newton et d'Homère. Sa fille, devenue savante pour lui plaire, était excellente musicienne et chantait comme aujourd'hui Madame Pasta. Elle reparaissait au thé et charmait le sommeil communicatif du vieux ministre. Appuyée au bout du piano, j'écoutais Miss Hives en silence. La musique finie, la young lady me questionnait sur la France, sur la littérature. Elle me demandait des plans d'études. Elle désirait particulièrement connaître les auteurs italiens et me pria de lui donner quelques notes sur la Divina Commedia et la Gerusalemme. Peu à peu, j'éprouvais le charme timide d'un attachement sorti de l'âme. J'avais paré les Floridiennes, je n'aurais pas osé relever le gant de Miss Hives. Je m'embarrassais quand j'essayais de traduire quelques passages du Tasse. J'étais plus à l'aise avec un génie plus chaste et plus mâle, Dante. Les années de Charlotte Hives et les miennes concordaient. Dans les liaisons qui ne se forment qu'au milieu de votre carrière, il entre quelques mélancolies. Si l'on ne se rencontre pas de prime abord, les souvenirs de la personne qu'on aime ne se trouvent point mêlés à la partie des jours où l'on respira sans la connaître. Ces jours, qui appartiennent à une autre société, sont pénibles à la mémoire et comme retranchés de notre existence. Y a-t-il disproportion d'âge ? Les inconvénients augmentent. Le plus vieux a commencé la vie avant que le plus jeune fût au monde. Le plus jeune est destiné à demeurer seul à son tour, l'un à marcher dans une solitude en deçà d'un berceau, l'autre traversera une solitude au-delà d'une tombe. Le passé fut un désert pour le premier, l'avenir sera un désert pour le second. Il est difficile d'aimer avec toutes les conditions de bonheur, jeunesse, beauté, temps opportun, harmonie de cœur, de goût, de caractère, de grâces et d'années. Ayant fait une chute de cheval, je restai quelque temps chez M. Ives. C'était l'hiver. Les songes de ma vie commencèrent à fuir devant la réalité. Miss Ives devenait plus réservée. Elle cessa de m'apporter des fleurs. Elle ne voulut plus chanter. Si l'on m'eût dit que je passerais le reste de ma vie, ignorée au sein de cette famille solitaire, je serais mort de plaisir. Il ne manque à l'amour que la durée pour être à la fois l'Éden avant la chute et l'Hosanna sans fin. Faites que la beauté reste, que la jeunesse demeure, que le cœur ne se puisse lasser, et vous reproduirez le ciel. L'amour est si bien la félicité souveraine qu'il est poursuivi de la chimère d'être toujours. Il ne veut prononcer que des serments irrévocables. Au défaut de ses joies, il cherche à éterniser ses douleurs. Ange tombé, il parle encore le langage qu'il parlait au séjour incorruptible. Son espérance est de ne cesser jamais. Dans sa double nature et dans sa double illusion ici-bas, il prétend se perpétuer par d'immortelles pensées et par des générations intarissables. Je voyais venir avec consternation le moment où je serais obligé de me retirer. La veille du jour annoncé comme celui de mon départ, le dîner fut morne. À mon grand étonnement, M. Ives se retira au dessert en emmenant sa fille, et je restai seule avec Mme Ives. Elle était dans un embarras extrême. Je crus qu'elle m'allait faire des reproches d'une inclination qu'elle n'avait pu découvrir, mais dont jamais je n'avais parlé. Elle me regardait, baissait les yeux, rougissait. Elle-même séduisante dans ce trouble, il n'y a point de sentiment qu'elle n'eût pu revendiquer pour elle. Enfin, brisant avec effort l'obstacle qui lui ôtait la parole, « Monsieur, me dit-elle, en anglais, vous avez vu ma confusion. Je ne sais si Charlotte vous plaît, mais il est impossible de tromper une mère. Ma fille a certainement conçu de l'attachement pour vous. Monsieur Ives et moi, nous nous sommes consultés. Vous nous convenez, sous tous les rapports, nous croyons que vous rendrez notre fille heureuse. Vous n'avez plus de patrie, vous venez de perdre vos parents, vos biens sont vendus. Qui pourrait donc vous rappeler en France? En attendant notre héritage, vous vivrez avec nous. » De toutes les peines que j'avais endurées, celle-là me fut la plus sensible et la plus grande. Je me jetai aux genoux de Mme Ives, je couvris ses mains de mes baisers et de mes larmes. Elle croyait que je pleurais de bonheur et elle se mit à sangloter de joie. Elle étendit le bras pour tirer le cordon de la sonnette. Elle appela son mari et sa fille. « Arrêtez, m'écriai-je, je suis mariée. » Elle tomba évanouie. Je sortis, et sans rentrer dans ma chambre, je partis à pied. J'arrivai à Beccles, et je pris la poste pour Londres, après avoir écrit à Mme Hayes une lettre dont je regrette de n'avoir pas gardé de copie. Le plus doux, le plus tendre et le plus reconnaissant souvenir m'est resté de cet événement. Avant ma renommée, la famille de M. Ives est la seule qui m'ait voulu du bien et qui m'ait accueilli d'une affection véritable. Pauvre, ignoré, proscrit, sans séduction, sans beauté, je trouve un avenir assuré, une patrie, une épouse charmante pour me retirer de mon délaissement, une mère presque aussi belle pour me tenir lieu de ma vieille mère, un père instruit, aimant et cultivant les lettres pour remplacer le père dont le ciel m'avait privé. Qu'apportais-je en compensation de tout cela? Aucune illusion ne pouvait entrer dans le choix que l'on faisait de moi. Je devais croire être aimée. Depuis cette époque, je n'ai rencontré qu'un attachement assez élevé pour m'inspirer la même confiance. Quant à l'intérêt dont j'ai pu être l'objet dans la suite, je n'ai jamais pu démêler si des causes extérieures, si le fracas de la renommée, la parure des partis, l'éclat des hautes positions littéraires ou politiques n'étaient pas l'enveloppe qui m'attirait des empressements. Au reste, en épousant Charlotte Ives, mon rôle changeait sur la terre. Enseveli dans un comté de la Grande-Bretagne, je serais devenu un gentleman chasseur. Pas une seule ligne ne serait tombée de ma plume. J'eusse même oublié ma langue, car j'écrivais en anglais et mes idées commençaient à se former en anglais dans ma tête. Mon pays aurait-il beaucoup perdu à ma disparition? Si je pouvais mettre à part ce qui m'a consolé, je dirais que je compterais déjà bien des jours de calme au lieu des jours de trouble échus à mon lot. L'Empire, la Restauration, les divisions, les querelles de la France, que m'eût fait tout cela? Je n'aurais pas eu chaque matin à pallier des fautes, à combattre des erreurs. Est-il certain que j'ai un talent véritable et que ce talent ait valu la peine du sacrifice de ma vie? Dépasserai-je ma tombe? Si je vais au-delà, y aura-t-il dans la transformation qui s'opère, dans un monde changé et occupé de toutes choses, y aura-t-il un public pour m'entendre? Ne serais-je pas un homme d'autrefois, inintelligible aux générations nouvelles? Mes idées, mes sentiments, mon style même, ne seront-ils pas à la dédaigneuse postérité, choses ennuyeuses et vieillies? Mon ombre pourra-t-elle dire, comme celle de Virgile à Dante, « Poeta fui et cantai »,« Je fus poète et je chantais ». Revenu à Londres, je n'y trouvais pas le repos. J'avais fui devant ma destinée comme un malfaiteur devant son crime. Combien il avait dû être pénible à une famille si digne de mes hommages, de mes respects, de ma reconnaissance, d'éprouver une sorte de refus de l'homme inconnu qu'elle avait accueilli, auquel elle avait offert de nouveaux foyers, avec une simplicité, une absence de soupçons, de précautions qui tenaient des mœurs patriarcales. Je me représentais le chagrin de Charlotte, les justes reproches que l'on pouvait et qu'on devait m'adresser, car enfin j'avais mis de la complaisance à m'abandonner à une inclination dont je connaissais l'insurmontable illégitimité. Était-ce donc une séduction que j'avais vainement tentée, sans me rendre compte de cette blâmable conduite? Mais en m'arrêtant comme je le fis pour rester honnête homme, ou en passant par-dessus l'obstacle pour me livrer à un penchant flétri d'avance par ma conduite, je n'aurais pu que plonger l'objet de cette séduction dans le regret ou la douleur. De ces amères réflexions, je me laissais aller à d'autres sentiments non moins remplis d'amertume. Je maudissais mon mariage qui, selon les fausses perceptions de mon esprit alors très malade, m'avait jeté hors de mes voies et me privait du bonheur. Je ne songeais pas qu'en raison de cette nature souffrante à laquelle j'étais soumis et de ces notions romanesques de liberté que je nourrissais, un mariage avec Miss Hives eût été pour moi aussi pénible qu'une union plus indépendante. Une chose restait pure et charmante en moi, quoique profondément triste, l'image de Charlotte. Cette image finissait par dominer mes révoltes contre mon sort. Je fus 100 fois tenté de retourner à Bungay, d'aller, non me présenter à la famille troublée, mais me cacher sur le bord du chemin pour voir passer Charlotte, pour la suivre au temple où nous avions le même Dieu, sinon le même autel, pour offrir à cette femme, à travers le ciel, l'inexprimable ardeur de mes vœux, pour prononcer, du moins en pensée, cette prière de la bénédiction nuptiale que j'aurais pu entendre de la bouche d'un ministre dans ce temple. Ô Dieu, unissez, s'il vous plaît, les esprits de ces époux et versez dans leur cœur une sincère amitié. Regardez d'un œil favorable votre servante, faites que son joug soit un joug d'amour et de paix, qu'elle obtienne une heureuse fécondité. Faites, Seigneur, que ces époux voient tous deux les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération et qu'ils parviennent à une heureuse vieillesse. Errant de résolution en résolution, j'écrivais à Charlotte de longues lettres que je déchirais. Quelques billets insignifiants que j'avais reçus d'elle me servaient de talisman. Attachée à mes pas par ma pensée, Charlotte, gracieuse, attendrie, me suivait, en les purifiant, par les sentiers de la sylphide. Elle absorbait mes facultés. Elle était le centre à travers lequel plongeait mon intelligence, de même que le sang passe par le cœur. Elle me dégoûtait de tout, car j'en faisais un objet perpétuel de comparaison à son avantage. Une passion vraie et malheureuse est un levain empoisonné qui reste au fond de l'âme et qui gâterait le pain des anges. Les lieux que j'avais parcourus, les heures et les paroles que j'avais échangées avec Charlotte, étaient gravés dans ma mémoire. Je voyais le sourire de l'épouse qui m'avait été destinée. Je touchais respectueusement ses cheveux noirs, je pressais ses beaux bras contre ma poitrine, ainsi qu'une chaîne de lys que j'aurais portée à mon cou. Je n'étais pas plutôt dans un lieu écarté que Charlotte, aux blanches mains, se venait placer à mes côtés. Je devinais sa présence, comme la nuit, on respire le parfum des fleurs qu'on ne voit pas. Privée de la société d'un gant, mes promenades, plus solitaires que jamais, me laissait en pleine liberté d'y mener l'image de Charlotte. À la distance de 30 milles de Londres, Il n'y a pas une bruyère, un chemin, une église que je n'aie visitée. Les endroits les plus abandonnés, un préau d'ortie, un fossé planté de chardons, tout ce qui était négligé des hommes, devenait pour moi des lieux préférés. Et dans ces lieux, Byron respirait déjà. La tête appuyée sur ma main, je regardais les sites dédaignés. Quand leur impression pénible m'affectait trop, le souvenir de Charlotte venait me ravir. J'étais alors comme ce pèlerin lequel, arrivé dans une solitude à la vue des rochers du Sinaï, entendit chanter le rossignol. À Londres, on était surpris de mes façons. Je ne regardais personne, je ne répondais point. Je ne savais ce que l'on me disait. Mes anciens camarades me soupçonnaient atteint de folie. Qu'arriva-t-il à Bungay après mon départ? Qu'est devenue cette famille où j'avais apporté la joie et le deuil? Vous vous souvenez toujours bien que je suis ambassadeur auprès de George IV et que j'écris à Londres en 1822, ce qui m'arriva à Londres en 1795. Quelques affaires depuis 8 jours m'ont obligé d'interrompre la narration que je reprends aujourd'hui. Dans cet intervalle, mon valet de chambre est venu me dire un matin entre midi et 1 heure qu'une voiture était arrêtée à ma porte et qu'une dame anglaise demandait à me parler. Comme je me suis fait une règle dans ma position publique de ne refuser personne, j'ai dit de laisser monter cette dame. J'étais dans mon cabinet, on a annoncé Lady Sultan. J'ai vu entrer une femme en deuil, accompagnée de 2 beaux garçons également en deuil. L'un pouvait avoir 16 ans et l'autre 14. Je me suis avancée vers l'étrangère. Elle était si émue qu'elle pouvait à peine marcher. Elle m'a dit d'une voix altérée, « My lord, do you remember me ?» Me reconnaissez-vous? Oui, j'ai reconnu Miss Hives. Les années qui avaient passé sur sa tête ne lui avaient laissé que leur printemps. Je l'ai prise par la main, je l'ai fait asseoir et je me suis assis à ses côtés. Je ne lui pouvais parler. Mes yeux étaient pleins de larmes. Je la regardais en silence à travers ses larmes. Je sentais que je l'avais profondément aimée par ce que j'éprouvais. Enfin, j'ai pu lui dire à mon tour, « Et vous, madame, me reconnaissez-vous? » Elle a levé les yeux qu'elle tenait baissés, et pour toute réponse, elle m'a adressé un regard souriant et mélancolique, comme un long souvenir. Sa main était toujours entre les 2 miennes. Charlotte m'a dit, « Je suis en deuil de ma mère. Mon père est mort depuis 2 années. Voilà mes enfants. » À ces derniers mots, elle a retiré sa main et s'est enfoncée dans son fauteuil, en couvrant ses yeux de son mouchoir. Bientôt, elle a repris, « My lord, je vous parle à présent dans la langue que j'essayais avec vous à Bungay. Je suis honteuse, excusez-moi. Mes enfants sont fils de l'amiral Sultan, que j'épousais 3 ans après votre départ d'Angleterre. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la tête assez à moi pour entrer dans le détail. Permettez-moi de revenir. » Je lui ai demandé son adresse en lui donnant le bras pour la reconduire à sa voiture. Elle tremblait et je serrais sa main contre mon cœur. Je me rendis le lendemain chez Lady Sultan, je la trouvai seule. Alors commença entre nous la série de ces « vous souvient-il » qui font renaître toute une vie. À chaque « vous souvient-il », nous nous regardions, nous cherchions à découvrir sur nos visages ces traces du temps qui mesurent cruellement la distance du point de départ et l'étendue du chemin parcouru. J'ai dit à Charlotte, « Comment votre mère vous apprit-elle ? » Charlotte rougit et m'interrompit vivement. « Je suis venue à Londres pour vous prier de vous intéresser aux enfants de l'amiral Sultan. L'aîné désirerait passer à Bombay. Monsieur Canning, nommé gouverneur des Indes, est votre ami. Il pourrait emmener mon fils avec lui. Je serais bien reconnaissante et j'aimerais à vous devoir le bonheur de mon premier enfant. » Elle appuya sur ces derniers mots. « Oh, madame, lui répondis-je, que me rappelez-vous? Quel bouleversement de destinée! Vous qui avez reçu à la table hospitalière de votre père un pauvre banni, vous qui n'avez point dédaigné ses souffrances, vous qui peut-être aviez pensé à l'élever jusqu'à un rang glorieux et inespéré, c'est vous qui réclamez sa protection dans votre pays. Je verrai M. Canning, votre fils, quoi qu'il m'en coûte de lui donner ce nom, votre fils, si cela dépend de moi, ira aux Indes. Mais dites-moi, madame, que vous fait ma fortune nouvelle? Comment me voyez-vous aujourd'hui? Ce mot de « my lord » que vous employez me semble bien dur. Charlotte répliqua, « Je ne vous trouve point changé, pas même vieilli. Quand je parlais de vous à mes parents pendant votre absence, c'était toujours le titre de « my lord » que je vous donnais. Il me semblait que vous le deviez porter. N'étiez-vous pas pour moi, comme un mari, « my lord and master », mon seigneur et maître ? Cette gracieuse femme avait quelque chose de l'Ève de Milton en prononçant ces paroles. Elle n'était point née du sein d'une autre femme. Sa beauté portait l'empreinte de la main divine qui l'avait pétrie. Je courus chez M. Canning et chez Lord Londonderry. Ils me firent des difficultés pour une petite place, comme on m'en aurait fait en France, mais ils promettaient, comme on promet à la cour. Je rendis compte à Lady Sultan de ma démarche. Je la revis trois fois. À la quatrième visite, elle me déclara qu'elle allait retourner à Bungay. Cette dernière entrevue fut douloureuse. Charlotte m'entretint encore du passé de notre vie cachée, de nos lectures, de nos promenades, de la musique, des fleurs d'antan, des espérances d'autrefois. « Quand je vous ai connue, me disait-elle, personne ne prononçait votre nom. Maintenant, qui l'ignore ? Savez-vous que je possède un ouvrage et plusieurs lettres écrits de votre main ? Les voilà. » Et elle me remit un paquet. « Ne vous offensez pas si je ne veux rien garder de vous. » Et elle se prit à pleurer. « Farewell, farewell, me dit-elle, souvenez-vous de mon fils. Je ne vous reverrai jamais, car vous ne viendrez pas me chercher à Bungay. « J'irai, m'écriai-je, j'irai vous porter le brevet de votre fils. » Elle secoua la tête d'un air de doute et se retira. Rentré à l'ambassade, je m'enfermai et j'ouvris le paquet. Il ne contenait que des billets de moi insignifiants et un plan d'études, avec des remarques sur les poètes anglais et italiens. J'avais espéré trouver une lettre de Charlotte, il n'y en avait point, mais j'aperçus, aux marges du manuscrit, quelques notes anglaises, françaises et latines, dont l'encre vieillie et la jeune écriture témoignaient qu'elles étaient depuis longtemps déposées sur ces marges. Voilà mon histoire avec Miss Hives. En achevant de la raconter, il me semble que je perds une seconde fois Charlotte dans cette même île où je la perdis une première. Mais entre ce que j'éprouve à cette heure pour elle et ce que j'éprouvais aux heures dont je rappelle les tendresses, il y a tout l'espace de l'innocence. Des passions se sont interposées entre Miss Hives et Lady Sultan. Je ne porterai plus à une femme ingénue la candeur des désirs, la suave ignorance d'un amour resté à la limite du rêve. J'écrivais alors sur le vague des tristesses. Je n'en suis plus au vague de la vie. Eh bien, si j'avais serré dans mes bras, épouse et mère, celle qui me fut destinée, vierge et épouse, c'eût été avec une sorte de rage, pour flétrir, remplir de douleur et étouffer ces 27 années livrées à un autre après m'avoir été offerte. Je dois regarder le sentiment que je viens de rappeler comme le premier de cette espèce entré dans mon cœur. Il n'était cependant point sympathique à ma nature orageuse. Elle l'aurait corrompu. Elle m'eût rendu incapable de savourer longuement de saintes délectations. C'était alors qu'aigri par les malheurs, déjà pèlerin d'outre-mer, ayant commencé mon solitaire voyage, c'était alors que les folles idées peintes dans le mystère de René m'obsédaient et faisaient de moi l'être le plus tourmenté qui fût sur la terre. Quoi qu'il en soit, la chaste image de Charlotte, en faisant pénétrer au fond de mon âme quelques rayons d'une lumière vraie, dissipa d'abord une nuée de fantômes. Ma démone, comme un mauvais génie, se replongea dans l'abîme. Elle attendit l'effet du temps pour renouveler ses apparitions. Fin de la section 25.